Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités. Alors, je vais commencer par me présenter, puis Nicolas présentera le collectif auquel on appartient, puisqu'on intervient à deux, c'est, je pense, un peu notre singularité aujourd'hui. Moi, je suis Chloé Vidal, je suis doctorante en géographie et philosophie. Alors, c'est un croisement un peu particulier, c'est une thèse hybride, je pense qu'il en sortira, je l'espère en tout cas. Je suis inscrite à l'ENS de Lyon et je bénéficie d'un double rattachement à la fois à l'UMR 5600 Environnement Ville-Société et à l'IRFIL, l'Institut de Recherche Philosophique de Lyon. Et je réalise ma thèse sur la prospective territoriale et plus particulièrement sur l'approche des temps politiques, temporalité sociétale et prospective territoriale. Je pense que c'est un nom qui changera très bientôt, étant donné l'orientation que prend ma thèse. Voilà, et j'ai oublié de dire que je suis en CIFRE, en fait. Enfin, j'étais en CIFRE, puisque je viens tout juste de terminer. Donc au Conseil Régional Rhône-Alpes, où je suis toujours chargée de mission prospective. Je continue à temps plein, ce qui ne facilite pas forcément la fin de la rédaction de ma thèse. Mais... Voilà, et donc moi c'est Nicolas Rio. Moi je fais une thèse en sciences politiques, et plus particulièrement en sociologie de l'action publique. Sur les usages de la prospective dans les collectivités et l'action publique territoriale. Thèse que je fais aussi en CIFRE, donc un peu l'équivalent de l'alternance pour la thèse, au sein d'une coopérative qui fait du conseil aux collectivités et notamment qui accompagne des démarches prospectives. Et je suis rattaché au laboratoire Triangle à Lyon. Une thèse sous la direction de Gilles Pinson. Mais vous allez voir, là, la présentation qu'on va vous faire, c'est un peu un pas de côté par rapport à nos thèses qui s'interrogent sur la prospective, son histoire et ses usages. La proposition qu'on vous fait dans cette intervention, c'est de répondre à la question qui est posée sur comment les sciences humaines et sociales peuvent... appréhender la question des temporalités et lire la réalité en dynamique, non pas en vous donnant les méthodes qu'on utilise nous dans notre travail de recherche, mais c'est de voir comment la prospective qu'on prend comme une approche particulière de compréhension du réel est confrontée finalement aux mêmes problématiques que celle des sciences humaines et sociales, et en même temps y apporte des réponses différentes. Et du coup, ce qu'on voudrait faire, c'est se focaliser sur une des réponses apportées par la prospective pour intégrer la question des temporalités et des dynamiques, qui est l'instrument des scénarios, pour voir comment cet instrument-là peut faire écho au questionnement qu'on se pose pendant ces deux journées et comment ça nous interpelle aussi sur notre vision des temporalités. Peut-être deux mots rapidement en introduction pour dire ce qu'on entend par prospective. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus longuement. On s'intéresse d'ailleurs notamment dans cette intervention-là à un certain type de prospective qui est prise comme une activité de production de savoir. Donc on est vraiment dans un enjeu de compréhension du réel et du réel présent, des travaux de prospective qui ont pour but qui s'interrogent sur le présent, mais par l'avenir, par un effort de projection dans le futur. Donc c'est vraiment ça qu'on regarde en essayant de voir comment ils appréhendent cette question des temporalités. Et du coup, on va organiser notre intervention en quatre parties en se passant la parole successivement. Une première partie en essayant de s'interroger sur la source de la difficulté des sciences humaines et sociales, ou plutôt les sources des difficultés des sciences humaines et sociales à intégrer la question des dynamiques et des temporalités. On verra ensuite comment la prospective est confrontée aux mêmes problématiques et comment elle l'approche d'une façon différente. Troisièmement, on se focalisera sur l'instrument scénario qu'on essaiera de décrire un peu et puis de revenir sur les apports qu'il peut représenter en termes de compréhension du présent en dynamique. Et quatrièmement, on s'interrogera sur les limites un peu de cet instrument dans sa prise en compte des temporalités. Voilà un peu le programme de ce qu'on va faire dans les 25 minutes qui suivent, en précisant bien que voilà, ce n'est pas directement notre travail de thèse, c'est quelque chose d'un peu latéral à notre travail de thèse, qui en même temps anime notre réflexion dans le collectif que Chloé évoquait, qui est le collectif Prospective et Action Publique, où on est différents doctorants de disciplines assez variées, en passant par l'urbanisme, la sociologie, la science politique, en allant même jusqu'au un peu aux sciences et techniques. Donc voilà, c'est vraiment une construction en cours et à prendre comme telle, qu'on pose plus comme une proposition que comme une affirmation. Si on passe maintenant au espèce de diagnostic qu'on peut faire sur le rapport entre les sciences humaines et sociales et la question des temporalités d'une lecture en dynamique, ce qu'on voit, et ce qui est un peu la base de ce colloque, c'est la difficulté des SHS à penser les temporalités et à analyser les dynamiques, notamment du fait aussi des outils qui sont à la disposition des chercheurs, et notamment en grande partie au format du texte académique, qui est quand même, de par son caractère textuel justement, une suite assez linéaire et avec un raisonnement qui est forcément un raisonnement logique. C'est ce qui structure un peu la pensée du chercheur. Et ce que je voudrais dire dans cette première partie, c'est que ce texte académique conduit à deux tendances. En étant un peu caricatural sur les sciences humaines et sociales, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça, et puis qu'il y a des tentatives pour échapper à ces deux tendances. Une première tendance qui est une tendance à nier le caractère mouvant du réel, et une deuxième tendance qui est de nier le caractère contradictoire du réel. Si on regarde sur le caractère mouvant du réel, on voit bien que la difficulté des sciences humaines et sociales, c'est d'essayer de comprendre et d'observer une réalité qui est prise au vol. Il n'y a jamais de début et de fin dans ce qu'on regarde, ce qui différencie d'ailleurs un peu les sciences humaines et sociales des sciences expérimentales, puisque quand on refait une expérience, il y a un début de l'expérience et une fin de l'expérience, et on contrôle plus ou moins les temporalités, on essaye d'en neutraliser certaines et de mettre en avant d'autres, alors que dans les sciences humaines et sociales, on prend la réalité dans son ensemble sans être en capacité de la modéliser, et avec du coup toutes ces temporalités qui se croisent et qu'on peut ni distinguer, ni arriver à capturer. Et du coup, le seul moyen d'observer cette réalité, c'est de la figer. C'est un peu ce que vous disiez d'ailleurs dans l'appel à communication. Et du coup, on fige la réalité pour pouvoir la comprendre et pour l'expliquer. On est plus ou moins obligé d'appuyer sur pause. Et on appuie sur pause aussi pour la conceptualiser. Et du coup, à travers la conceptualisation, il y a tout un effet d'appauvrissement du réel, et notamment de la question dynamique. On passe à côté un peu de l'enjeu des dynamiques. Puis il y a une deuxième tendance qui est celle à nier le caractère contradictoire du réel, puisque ce qui fait la force de la pensée du chercheur, c'est sa cohérence, et du coup on a tendance à être dans une lecture très univoque de la réalité, comme si elle était une et entière, ce qui ne veut pas dire que les contradictions soient totalement absentes de notre réflexion. Au contraire, comme chercheur, on est toujours un peu à la recherche des contradictions, on les traque, mais on les traque pour les résoudre et pour se dire, ah tiens, là il y a quelque chose de contradictoire, moi je vais faire une recherche et je vais apporter la réponse à cette contradiction pour pour rétablir quelque chose de logique, pour rétablir quelque chose d'univoque. Or, du coup, en faisant ça, on échappe au caractère profondément équivoque de la réalité. Et ça se voit aussi dans la dimension diachronique, où on est toujours dans une vision un peu causale et linéaire, quasiment mécanique, et encore je suis vraiment dans la caricature, dans laquelle tel effet provoque telle conséquence. Et ça, c'est lié au fait que quand on analyse la dimension diachronique dans les sciences humaines et sociales, on le fait le plus souvent a posteriori. Du coup, on a une situation A et une situation B, enfin, le temps qu'on regarde et puis un temps passé, et on essaye d'expliquer le passage d'un point A à un point B. Et du coup, on est forcément déterministe, puisqu'on sait le point d'arrivée. Et du coup, c'est à notre sens ce qui nous empêche, nous, chercheurs en sciences humaines et sociales, d'intégrer des dynamiques qui sont en fait beaucoup plus nouvelles. Donc en fait, on s'aperçoit que les SHS ont une espèce d'allergie au mouvant, et en faisant une différence conceptuelle entre le mouvement et le mouvant. Alors, c'est là que c'est un peu verbeux. avec l'idée que les sciences humaines et sociales sont très adeptes avec le mouvement, mais pris comme quelque chose de linéaire et de déterministe. Alors que, elle, la réalité n'est pas en mouvement, mais mouvante, et qui du coup, beaucoup moins linéaire et beaucoup plus incertain. En gros, ça bouge, mais ça peut bouger dans une multitude de directions et pas dans une seule direction. Et on voit bien, du coup, que la question des temporalités et de sa prise en compte dans les sciences humaines et sociales, elle est liée, en fait, à la question qu'on donne aux incertitudes dans les sciences humaines et sociales, et comment on passe d'une vision déterministe du réel à une vision magmatique, alors que tout le principe des sciences traditionnellement a été au contraire de figer un peu ce magma, de le faire tenir, hein, si on reprend un peu ce que dit Desrosières sur les statistiques, voilà, d'établir des liens solides, de solidifier le réel. Et du coup, c'est là où la prospective nous paraît intéressante, c'est dans sa tentative un peu de désolidifier le réel, de réintroduire les incertitudes dans cette tension justement entre une vision du mouvement et une vision du mouvement. Donc je prends la suite pour effectivement prolonger cette intuition selon laquelle la prospective pourrait être un moyen finalement d'interroger la capacité des sciences humaines et sociales à intégrer les temporalités pour penser le présent en dynamique. Nicolas a rappelé que la prospective, ça consiste finalement à faire des hypothèses sur le futur pour agir, parce qu'il s'agit quand même de produire des savoirs pour l'action. Ce sont des modalités de connaissance qui sont un peu particulières, pour agir au présent. Donc, alors, effectivement, il y a bien une spécificité de la prospective par rapport aux autres sciences humaines et sociales. Je vais y revenir dans la mesure où on ne peut pas vraiment la considérer comme une discipline. Mais il semblerait que les différentes approches de la prospective aient suivi le mouvement d'évolution qui a conduit progressivement dans les grandes tendances les sciences humaines et sociales à passer une forme de phénoménologie du mouvement, avant peut-être une approche mécaniste, jusqu'à considérer la mouvance même du réel, son caractère contradictoire, son équivocité, et finalement s'attacher à comprendre la complexité du réel. Et donc, précisément en ce sens que la prospective me semble un bon prisme pour approcher la question de l'intégration des temporalités dans les sciences humaines et sociales. Parce que finalement, penser en dynamique, c'est aussi penser les dynamiques. Et c'est adopter un mode de pensée propre à pouvoir en rendre compte. Et donc il s'agit non seulement à ce moment-là d'intégrer le temps long, c'est la longue durée, si on se rappelle de la tradition historiographique de l'école des annales, mais c'est également intégrer le pluralisme temporel, la diversité rythmique. Et c'est finalement parvenir, chose très difficile, à temporaliser le présent. C'est pas chercher à tendre vers une lumière blanche unitaire, pour reprendre l'expression de Fernand Braudel, qui l'évoquait en 1958. ni même tourner le dos à la multiplicité des temps sociaux, qu'évoque Gurvitch un peu plus tard. C'est sortir vraiment de cette seule approche du temps uniforme et mesurable pour prendre en compte notamment les temps vécus. Tout à l'heure, on évoquait le découpage spatio-temporel. C'est sortir aussi, s'acheminer vers une sortie de cette approche métrique. Et c'est le mouvement que semble suivre la prospective, de la même façon que les sciences humaines et sociales, en se complexifiant, affinent aussi leur approche du réel. J'évoquerai peut-être simplement Jean Chesneau, qui est historien, qui disait que la multiplicité temporelle était devenue un topos philosophique aujourd'hui. Donc c'est précisément cette appréhension en fait, du réel mouvant que la prospective s'efforce d'avoir. Donc je le disais, elle n'est pas vraiment une discipline au sens d'une science, d'une matière qui pourrait faire l'objet d'un enseignement spécifique. Michel Godet, qui est le grand tenant de la prospective stratégique aujourd'hui, va même jusqu'à parler d'indiscipline intellectuelle. Et à la fin des années 90, pour vous donner une définition qui est quand même assez révélatrice, qu'en donne Pierre-François Gonod, qui est un des tenants de l'approche systémique de la prospective, définit donc la prospective comme une histoire globale des futurs, comme la forme moderne du besoin permanent de l'humanité d'anticiper, puisqu'on est vraiment dans une approche, c'est l'anticipation, associant la rationalité, l'imagination, ayant pour sous-bassement la philosophie dialectique, la systémique, l'interdisciplinarité et utilisant des instruments de caractère scientifique. C'est une définition qui est relativement complexe et qui témoigne au moins du fait que la prospective, depuis que le néologisme en a été créé en 1957 par Gaston Berger, elle a été traversée par une diversité de courants et autant de pratiques qui ont été associées. Donc on peut dire finalement que la prospective, c'est plus une aventure intellectuelle qui manifeste un effort constant pour penser autrement. Et cette aventure, elle commence avec Gaston Berger, je vous le disais, qui en a créé le néologisme donc, en 1957, dans la période d'après-guerre, et avec son projet d'anthropologie politique. Alors je vous donne cette citation qui définit bien son projet. « L'anthropologie prospective s'organisera ainsi autour de la méditation des philosophes appliquée à découvrir les aspirations humaines, mais soucieux de les exprimer sous une forme qui pourra s'adapter au monde dans lequel les hommes auront bientôt à vivre. Aussi devra-t-on réaliser une collaboration étroite entre les divers spécialistes capables d'indiquer, avec toute la précision désirable, la manière dont les choses ont tendance à évoluer. Ils chercheront moins dans la perspective propre aux sciences humaines quelles applications les récentes découvertes scientifiques sont susceptibles d'avoir, que les conséquences qu'elles semblent devoir entraîner. » Ce projet donc, que Gaston Berger formule et qui sera interrompu par sa mort assez brutale quelques années plus tard, Gaston Berger n'a pas pu développer des méthodes prospectives, ça sera fait à la suite par d'autres prospectivistes. Ce projet finalement de collaboration entre divers spécialistes, il est réanimé, en fait, il est revivifié après, donc, dans les années 70 dans un premier temps, et puis dans les années 2000, ensuite, avec la revendication d'une entrée en transdisciplinarité comme condition finalement nécessaire pour accéder à un entendement, une rationalité qui permette de prendre en considération différents modes de pensée, différentes rationalités à l'œuvre sur le territoire. Cet entendement, finalement, c'est l'intelligence de la complexité. Et à ce moment-là, la prospective, donc, elle ne sera plus simplement bénéficiaire des apports en sciences humaines, donc, puisqu'elle appelait en fait les disciplines à dialoguer, mais elle va être contributrice, et comme le dit Nicolas, vraiment productrice de savoir prospectif, et c'est peut-être le sens de son évolution aujourd'hui, d'aller vers une rationalité cognitive, souvent mise au service du politique, de l'action politique. Donc ce mouvement de la prospective, c'est une recherche continue, il est marqué par une recherche continue des moyens d'appréhender finalement le présent à la fois dans sa synchronicité et aussi dans sa diachronicité, c'est-à-dire dans sa tension entre le passé et le futur. Et juste pour faire un petit rappel historique assez rapide, il me semble que la prospective est marquée par un passage progressif qui va donc du projet d'une science de gouvernement, donc qui était le projet de Gaston Berger au départ, donc après la Seconde Guerre mondiale, qui est défini par Bertrand de Jouvenel, autre grand prospectiviste, comme un art de la conjecture, un art de l'hypothèse. Donc ce projet qui est très lié à la modernisation de l'État dans les années 60 et qui se construit en opposition à une futurologie qui se développe, elle, outre-Atlantique, qui est une approche très scientiste, en fait, du futur. Et donc, on irait de ce projet de sciences de gouvernement à un projet d'une gouvernance des sciences, finalement, à une entrée progressive en transdisciplinarité. Un projet qui a été, je vous disais, développé dans les années 70, avec l'évolution des théories de la complexité, et revivifié dans les années 2000. Donc, comme le disait déjà Nicolas, ce sont autant d'approches qui témoignent d'un rapport différent à chaque fois à l'incertitude et au futur. Donc pour revenir au moment du projet de l'ordonnancement du mouvement, puisqu'on a fait cette distinction au départ entre le mouvement et le caractère mouvant du réel qu'on cherche à appréhender, au départ, effectivement, la prospective s'inscrit dans la tradition moderniste du progrès, et elle permet le passage d'une prospective fataliste, qui pouvait être celle de la prophétie, à une prospective active, vraiment volontariste et moderne. Et en fait, elle naît du sentiment d'accélération de l'histoire qui est désormais perceptible donc, à l'échelle humaine, c'est ce que rappelle Gaston Berger. On perçoit un rythme nouveau, une accélération, et il s'agit de prendre en compte ses conséquences. Alors, juste pour faire un petit détour un peu anachronique, Hartmut Rosa, dans sa théorie de l'accélération sociale, évoque aussi ce sentiment d'accélération qui est un sujet toujours très prégnant. Comme lui, il parle de la conjugaison des effets complexes de trois formes d'accélération, accélération technique, accélération du changement social et accélération du rythme de vie. Et ce sentiment, en fait, cette triple accélération causerait une crise du temps qui elle-même donnerait donc le sentiment d'un temps de crise. Donc, il joue un peu sur cet effet-là. Avec donc un sentiment d'une forme d'immobilisme finalement culturel assez profond derrière une transformation dynamique permanente de toutes les structures sociales. Pourtant, un demi-siècle plus tôt, avec Gaston Berger ou avec les premiers penseurs de la prospective, Jean Forestier ou Bertrand de Jounel que j'évoquais tout à l'heure, on est encore très loin de ce sentiment d'impuissance face à une accélération qui finalement conduirait à la dissolution de l'action publique, à la remise en question du progrès social, bien au contraire. La prospective moderne s'appuie sur l'idée de progrès et sur le mythe de l'ingénierie sociale dans un monde qu'on considère en mouvement, mais sur lequel on pense pouvoir avoir prise. Donc il ne s'agit pas de développer, d'après Gaston Berger, une science du futur qui lui semble illusoire. Ça, c'est ce qui se passe plutôt du côté des États-Unis à la même période, avec des prospectivistes comme Herman Kahn qui ont beaucoup contribué à développer des méthodes prospectives. Mais il s'agit d'offrir par nous-mêmes des configurations, des orientations à l'avenir, c'est ce que pense Gaston Berger, en s'attachant à faire progresser notre art de la conjecture, donc cet art de l'hypothèse. Et ça suppose de passer de la prévision, de ne pas simplement s'appuyer sur des outils prévisionnels, de passer progressivement de la prévision au projet pour bâtir un futur qui soit à la fois possible et souhaitable. Alors bien sûr, il y a une idéologie humaniste qui est très forte et qui est liée au terreau sur lequel se développe la prospective en France, qui est la tradition humaniste. Je n'y reviens pas là. L'idée étant donc que la prospective suppose une conversion du regard. Il s'agit d'observer le présent à partir de l'avenir. Et cette conversion du regard n'est pas naturelle, et c'est pourquoi Gaston Berger développe l'idée d'une attitude prospective qui consiste à voir loin, à voir large, à voir en profondeur, à voir ensemble, puisqu'il s'agit donc de confronter le regard de différentes disciplines. C'est finalement une technique rationnelle, la prospective, mais une technique dans un sens relativement large, un art, une techné, si on veut reprendre le terme philosophique, une science de la pratique qui vise à mettre en ordre le réel en mouvement et même à assurer un ordre social. C'est une réaction au désordre, typiquement, et bien sûr, on le relie au contexte historique dans lequel la prospective se développe, qui est un contexte d'après-guerre, où il s'agit précisément de remettre en ordre, et où on est vraiment dans une dynamique de réduction des incertitudes, pour se mettre donc au service d'une civilisation qui, d'après l'expression de Pierre Massé, serait créatrice d'anti-hasard. On est vraiment dans une approche très lié à une volonté de contrôle. Les risques qui sont pris à ce moment-là, ils vont changer de sens un peu plus tard, ce sont des risques à prendre, ce sont des risques encourus, mais des risques à prendre, puisque la prospective nous enjoint à agir, à prendre des risques, avec des effets qui peuvent être potentiellement déjoués, toujours en conscience, donc conscience de la conséquence de nos actes et des interdépendances qu'ils créent, et finalement conscience de nos propres limites. Mais toujours donc l'incertitude semble tenir à ce moment-là au pouvoir d'agir, à l'initiative des hommes, à leur engagement, plus qu'à la part de surprise des choses. Donc le risque est vraiment à endiguer. La France, en France, donc, comme je vous le disais, à la différence des Future Studies qui se développent au même moment outre-Atlantique, en France, la prospective, elle se donne des objectifs politiques, ceux de la reconstruction d'après-guerre, des grands travaux. Et à ce moment-là, prospective et politique vont vraiment de pair. Côté outre-Atlantique, juste pour rappel, la prospective, qu'on n'appelle pas la prospective, mais Future Studies, naît plutôt de préoccupations militaires, puisqu'elle prend naissance à la RAND Corporation, qui s'intéressait à des stratégies militaires. Alors, évidemment, la prospective qui se développe, la prospective qu'on peut qualifier de moderne à ce moment-là, elle peut s'appuyer sur certaines certitudes structurelles, puisqu'il y a une croissance qui semble inflexible, et puis il y a une relative stabilité géopolitique dans les années 60. Et les choses, si on veut les prendre de façon un peu presque caricaturale, mais dans les années 70, le rapport à l'incertitude va se transformer, et avec la prise en compte des interdépendances sociétales, et effectivement ces interdépendances font apparaître des causalités non linéaires, une certaine instabilité dans les relations entre les phénomènes sociaux. Et progressivement, on sort vraiment du fantasme prévisionnel et on s'achemine vers le projet, et la prospective, évidemment, se nourrit de cette évolution. L'imagination retrouve sa place aussi dans la prospective, qui s'éloigne un peu d'une approche scientiste, dont il restait des scories quand même. Et puis, donc, elle est susceptible de réintégrer une part d'utopie. Donc là, on pense à toutes les prospectives qui se sont développées dans les années 70, essentiellement, jusqu'à des mouvements pour la paix. Enfin, le champ est très large. Et de nouvelles tentatives théoriques et méthodologiques apparaissent, qui sont liées à deux grandes évolutions. J'évoque ces deux grandes évolutions et j'en termine. Tout d'abord, la prospective, qui était assez sectorielle, puisqu'elle correspondait aux attentes de la planification, s'ouvre et s'étend aux problématiques sociétales. Donc la société, finalement, c'est plus simplement une dimension du problème, un facteur. Ça devient véritablement l'objet de la prospective. Et il s'agit de prendre en considération la complexité sociale. Et évidemment, la prospective modifie par là son rapport à l'incertitude. Il faut travailler avec les incertitudes. Il ne s'agit plus de les supprimer ou de les réduire. Et l'incertitude devient à la fois, comme on peut dire, philosophiquement, un problème et un moteur, c'est-à-dire un problème au double sens. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à recourir à l'analyse systémique, qui sera de plus en plus intimement liée à la méthode des scénarios que Nicolas va exposer, et qui vise vraiment à l'émergence d'une véritable prospective sociale. Et puis, en deuxième lieu, donc, à part cet élargissement du sectoriel au social, il y a une évolution en France qui est forte, qui conditionne grandement donc, l'évolution et les adaptations de la prospective et de ses méthodes. C'est le passage d'une prospective étatique à une prospective territoriale, qui est marquée par la décentralisation des années 80, qui morcelle l'agenda politique, par le fait que les territoires cherchent un espace politique propre. Et finalement, l'État n'a plus le monopole de la définition du bien commun à ce moment-là. Et chose un peu curieuse, alors que la prospective étatique avait pour viser en fait d'établir un équilibre sur les territoires par rapport au développement industriel de la France, la prospective là se met au service de la compétitivité des territoires. Forcément, elle va s'adapter. Olivier Soubéran, un géographe, parle même des ruses de la prospective pour se mettre au service de ce qu'elle importe, appelle lui les grands récits du bien commun qui seront cette fois-ci écrits par les territoires. Donc finalement, la prospective, elle renaît à ce moment-là aussi dans un contexte de multiplication des acteurs de l'action publique, avec régions, départements, agglomérations, si on parle d'échelon, mais aussi les citoyens qui sont de plus en plus impliqués dans les démarches prospectives. Et la prospective, donc, développe des méthodes plus participatives. Et c'est là qu'elle renforce aussi son rôle cognitif de transformation des représentations. Puisque finalement, le territoire représente un cadre de réflexion et d'action assez effectif, une bonne médiation entre le global et le local, une articulation entre les secteurs et les activités, et elle appelle une approche multidimensionnelle et pluridisciplinaire. la prospective se présente finalement, pour faire un petit résumé, comme une scène de réflexivité, à ce moment-là, où l'institution, elle réfléchit à la fois son action sur le territoire, mais aussi son rapport au territoire, et plus généralement son rapport à l'espace et aux temporalités. Donc, successivement, c'est un rapport différent à l'incertitude, au temps et à l'espace qu'on pourrait retracer aussi dans cette évolution, et en tout cas, ce passage donc, d'une recherche d'ordonnancement du réel en mouvement à l'effort de penser la mouvance du réel. Alors justement, si on s'intéresse maintenant à cet effort de penser la mouvance du réel, en essayant d'être un peu plus synthétique, parce que du coup, je me rends compte qu'on s'approche dangereusement du temps qui nous est imparti, alors qu'on est qu'à la moitié de ce qu'on voulait dire. Donc si on s'intéresse maintenant à l'instrument scénario, et à un certain type de scénario pris comme outil comme instrument de construction de savoir, dont le but est de rendre la réalité intelligible, ce qui s'oppose au scénario plus stratégique, dont le but est de fixer un horizon pour l'action publique. Ces scénarios exploratoires, en fait, on peut les définir comme une construction d'un nombre limité de futurs possibles. Et cet instrument nous paraît, dans une certaine mesure, répondre aux deux limites qu'on a identifiées en première partie, en mettant par sa posture, mais aussi par un certain nombre de techniques qui peuvent mettre en place dans la réalisation de ces scénarios. La première chose que permet les scénarios, c'est de passer à une lecture du présent en dynamique, en intégrant les incertitudes. Et ça, il le fait généralement quand on fait un scénario, et je vous prends là l'exemple de la démarche Pays de la Loire 2040, où il y a eu donc, la construction de trois scénarios sur l'évolution possible des Pays de la Loire en 2040. On construit un groupe de travail qui rassemble une diversité de savoirs, que ce soit des savoirs universitaires ou des savoirs profane, et au lieu de commencer par essayer de faire un diagnostic du présent et d'identifier des facteurs d'évolution, en fait, il est demandé aux participants de ce groupe de se projeter directement à 2040 sur leur base, sur une base quasi intuitive, mais qui est une intuition basée sur un savoir qui est lui objectif, plutôt sur une multiplicité de savoirs objectifs. Et donc ça, au lieu de se projeter dans l'avenir, l'idée c'est plutôt de regarder le présent de loin, et du coup ce qui oblige à avoir une lecture en dynamique, et ce qui oblige aussi à intégrer les incertitudes, puisque comme on ne sait absolument pas ce que va devenir l'avenir, et que l'idée n'est pas de définir ce que va devenir l'avenir, mais de lire le présent différemment, on est obligé de faire une place aux incertitudes, beaucoup plus que quand on est dans une lecture historique, où là on a beaucoup moins de chances de se tromper quand on parle du passé pour arriver à aujourd'hui que quand on parle d'aujourd'hui pour arriver au futur. Donc, il y a cette idée d'effort d'anticipation qui permet d'avoir une lecture en dynamique. Et puis le deuxième apport principal des scénarios, c'est justement de passer d'une lecture univoque de la réalité à une lecture équivoque, ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs scénarios. En l'occurrence, dans la démarche Pays de la Loire 2040, il y a trois scénarios qui ont été construits, qui en fait sont une façon, par un détour par le futur, qui sert plus de prétexte, de décomposer la réalité des Pays de la Loire d'aujourd'hui en trois scénarios en trois couches distinctes qui sont chacune d'elles cohérentes mais qui sont contradictoires entre elles. Et du coup, on sépare, et ça dans les techniques de pour les scénarios, ce qui permet de le faire, c'est qu'on sépare l'énoncé du raisonnement. Et donc dans le travail prospectif, il est basé sur une série d'énoncés quasi intuitifs. Et le raisonnement n'est construit qu'après, et en fait on construit plusieurs raisonnements, chaque scénario étant un raisonnement lui-même, ce qui permet, à l'opposé du texte académique qui est logique dans son ensemble, d'avoir à la fois des raisonnements, mais d'avoir plusieurs raisonnements qui eux sont en contradiction et permettent de traduire le caractère un peu équivoque du réel. Voilà, en résumé un peu les deux apports principaux du scénario, je pense qu'on pourrait y revenir dans les questions, mais on voit que en même temps, il faut se méfier de l'attirance pour cette nouvelle méthode. C'est aussi une méthode qui a des limites et qui est confrontée, elle aussi, à cette tension entre le mouvement et le mouvement. Simplement, moi je vais évoquer très rapidement aussi Territoire 2040, qui est une démarche que j'ai suivie en fait en tant que rapporteur scientifique du groupe de réflexion que présidait mon directeur de thèse Michel Lussault à la DATAR à ce moment-là, et qui s'inscrit dans la tradition des approches scénaristiques de la DATAR, mais qui apporte quelques modifications en partant de trois postulats, c'est-à-dire en estimant que les territoires sont d'abord opérateurs de changement, c'est-à-dire en les associant à leur propre transformation. En fait, donc ça, c'est un point de vue qui change un peu. La DATAR qui planifie et qui est dans cette approche un peu descendante sur le territoire. Et surtout, quelque chose d'assez nouveau, j'évoquais tout à l'heure l'approche systémique. L'approche par la méthode des scénarios peut intégrer aussi une approche systémique. Territoire 2040 en est une bonne illustration, puisque la démarche est partie de la définition de systèmes spatiaux pour appréhender la réalité territoriale. Donc on n'est pas sur du découpage géographique, mais sur la tentative de définition de systèmes un peu fonctionnels. Alors bien sûr, on modélise, donc on est forcément dans un travail d'abstraction qui est limité. Mais il y a quand même un travail de représentation autour, qui est le troisième postulat, la représentation comme concept opératoire, c'est-à-dire se donner la possibilité d'imaginer des représentations un peu innovantes et inédites de ces systèmes spatiaux. Et finalement, donc, la fabrique prospective de Territoire 2040, elle a consisté à croiser deux types d'objets, ces systèmes spatiaux, donc au nombre de sept, j'en évoque peut-être un ou deux, l'urbain métropolisé français dans la mondialisation, les systèmes métropolitains intégrés, les espaces de la dynamique industrielle, enfin il y en avait sept, et avec des facteurs des changements, des foyers de controverse. 12 facteurs de changement ont été identifiés et 6 foyers de controverse. Voilà, donc l'idée c'était d'avoir une approche à la fois synchronique, celle des systèmes spatiaux, puis une approche diachronique, celle donc de la mise en récit finalement de la scénarisation. Et on a abouti à 28 scénarios en images et récits, donc en travaillant vraiment sur la question de la représentation. Simplement pour dire que les méthodes en prospective ne sont pas exclusives et que souvent on va de plus en plus d'ailleurs vers de la combinatoire. Justement, cette combinatoire n'est pas sans poser quelques problèmes. Je touche aux limites à la fois de l'approche scénaristique et de l'approche systémique. Alors, bien sûr, l'approche scénaristique, elle a un avantage. Je crois que Laure va parler des récits, de la narration. C'est vrai que le scénario permet aussi de créer un premier pont entre l'art et la science, puisqu'on s'autorise à aller vers le récit, voire des fois un récit qui peut être très littéraire. On se pose aussi la question des valeurs. Quand on part sur des scénarios, on ne peut pas éluder en fait la question du sens des engagements profonds et dominants d'une société. Et donc ça suppose vraiment une réflexion sur les valeurs sociales qui en général sont un peu mises de côté par des approches scientifiques. Donc là, on revient à une approche un peu sociologie des sciences de Latour ou Calon, qui rappelle que tout savoir est construction, produit idéologique, et puis cette idée de composition avec des éléments hétérogènes. Tout ça constitue effectivement un ensemble de points intéressants et positifs du scénario. En revanche, ce que le scénario ne parvient pas à faire, en tout cas pas pour l'instant, selon les méthodes existantes, c'est rendre compte finalement de l'épaisseur temporelle des processus et de leur évolution. Je vais développer un tout petit peu, et puis une deuxième tendance, finalement, donc avec l'ouverture du récit prospectif, pour ainsi dire, aux citoyens, on va aussi vers une tendance à l'uniformisation du discours sur le futur, qui se trouve finalement lesté un peu par des figures anticipatrices imposées, comme le changement climatique, comme la crise. Donc, c'est un peu paradoxal, mais on se retrouve dans une forme d'uniformisation, et finalement on a une approche qu'on pouvait croire plus fine et qui, au contraire, devient de plus en plus, qui peut devenir plus caricaturale. Peut-être développer ça pendant les questions, hein, si on ne sait pas. Ouais. Alors voilà, alors du coup, je vais m'arrêter, mais voilà, c'est simplement cette difficulté donc, à prendre en compte les différentes temporalités qui constituent la réalité sociale. Donc ça, c'est... Si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu pourquoi. Avec cette référence au choix de l'horizon visé qui n'introduit pas cette épaisseur temporelle, qui est tout à fait arbitraire, presque. On a parlé de territoire 2040, Pays de la Loire 2040, on passera bientôt à 2050, et c'est une forme de surenchère entre les collectivités. Et on peut revenir sur ces différents points. Ce qui va faire quoi. Merci beaucoup pour... Écoutez, merci, c'était vraiment passionnant, et puis j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses sur le sens de la prospective. En fait, j'avais une question qui est une demi-critique, qui est sur la construction de l'exposé, et du coup sur l'hypothèse qui est un peu latente. C'est-à-dire, en première partie, défendez un peu l'idée, de manière peut-être un peu caricaturale, que finalement les sciences sociales n'arrivent pas à penser le temps, ou en tout cas se cantonnent à une lecture un peu linéaire du temps. Ça me pose un peu problème, au sens où par exemple, je n'ai pas une culture épistémologique immense, mais il me semble qu'une théorie comme le matérialisme historique, et une théorie qui effectivement participe à la construction d'un temps finalisé, quasi téléologique, qui est particulier, mais qui met quand même la dialectique et l'opposition au cœur du mouvement historique des sociétés. Bon. Donc peut-être qu'il y a une simplification, et peut-être qu'effectivement... alors pour le coup, je suis d'accord sur peut-être la critique de fond, c'est-à-dire que les sciences sociales ont peut-être du retard dans leur capacité à lire un temps turbulent. Je ne sais pas si ça a du sens, le temps turbulent, mais vous voyez ce que je veux dire. La postmodernité, si ce concept a du sens, effectivement, les temps sociaux ou sociétaux sont multiformes, sont enchevêtrés, sont en tension, sont en contradiction. On sent que ça bouillonne, et effectivement, on a du mal à objectiver ça, hein, parce qu'effectivement, on est dans une écriture du réel qui est toujours sous-tendue par la rationalisation et par cette injonction à produire de la cohérence dont la linéarité est un des modes. Et je me demande finalement si la prospective dans ses débuts n'a pas été non plus dans cette logique c'est peut-être ce que vous avez dit, et effectivement, du coup... Peut-être que la prospective est aujourd'hui un lieu d'innovation en termes d'écriture du réel, c'est-à-dire que, pour le coup, moi je ne travaille pas beaucoup sur la prospective, mais comme je travaille sur les espaces périurbains, j'ai un peu partagé l'expérience du travail de prospective qui a été mené par Martin Vanier, et effectivement, il m'a semblé que quand même, il y avait... Pour le coup, dans la démarche et dans les objectifs de cette expérience de prospective, des choses qui étaient assez nouvelles et qui renvoyaient effectivement à la place de l'imagination, la place aussi réservée à l'incertitude, la place aussi réservée à des scénarios antagonistes, parfois, pas tout le temps, qui était assez centrale et qui, en tout cas, pour moi, qui travaille sur le périurbain, m'a apporté... un certain nombre de clés de lecture qui m'ont permis de relire ce que j'avais imaginé mais que je n'arrivais pas forcément à formuler, c'est-à-dire que finalement on est dans des espaces qui sont de plus en plus complexes où effectivement on a on a en tension des possibilités qui sont plurielles et qui d'ailleurs concrètement se traduit non pas par l'avancée vers un scénario mais plutôt l'avancée par vers certains scénarios dans certains territoires, vous voyez, et dans le sens du coup du voilà, enfin en tout cas c'est la lecture que j'avais faite moi de ce travail. Donc je me demande finalement la prospective telle qu'elle se construit aujourd'hui est pas effectivement un peu dans le camp de l'innovation dans la manière de travailler un petit peu bien la complexité du réel. Et effectivement, ces incertitudes qui sont désormais peut-être un acquis épistémologique des sciences sociales à l'ère de la complexité. Ben, voilà. Mais c'était très dense et pour rentrer dans le détail de votre proposition, il aurait fallu qu'on ait le texte à l'avance. C'est vrai que je trouve qu'il y a plein de... Enfin, à vous entendre comme ça, effectivement, ça demanderait plus de réflexion. Mais moi, je dirais, il y a plein de propositions intéressantes et discutables. Mais c'est bien, parce que ça fait penser. Notamment, quand j'ai commencé à... Enfin, le début d'exposé, sur le temps, je me disais, mais c'est pas la question du temps qui est en jeu. Effectivement, j'aurais la même réaction que Laurent. C'est-à-dire, c'est... À mon avis, c'est moins la difficulté des SHS à penser le temps que la manière dont on doit le penser aujourd'hui, c'est-à-dire de façon non théologique, non déterministe. Voilà. Donc je crois que c'est pas. Et puis, j'aurais aussi tendance à vous renvoyer un petit peu l'hypothèse de. Enfin, pourquoi les SHS auraient quoi que ce soit à envier aux autres. Aux sciences expérimentales. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, les SHS sont confrontés davantage, ils sont obligés de se confronter à la question du temps, du temps incertain, du temps complexe, peut-être bien davantage encore que les sciences expérimentales, parce qu'elles sont, je dirais, bon, je le dis d'une façon peut-être insuffisante, enfin avec l'expression comme ça qui me vient à l'idée, elles sont davantage aux prises avec la réalité complexe et incertaine dans laquelle nous sommes, et elles ont moins la capacité de penser des modèles qui isolent et qui font la part de... Je ne sais pas comment dire, mais enfin, voilà, je n'ai pas la terminologie pour le dire, mais enfin, il me semble que c'est peut-être que les SHS ont, au contraire, à apprendre aux autres de scientifiques, c'est tout à fait aventureux ce que je dis là, mais sur ces questions-là, non, mais en plus j'ai assisté à une présentation à la fin du congrès de l'ISLF cet été à Rabat de Martuccelli sur l'incertitude, qui était absolument extraordinaire, justement parce que il s'agissait de saisir la question de l'incertitude et de voir ce qu'elle faisait à la sociologie, en fait. Il a fait des propositions, ce sera publié, qui sont très très stimulantes. Quand même, enfin en tout cas, ce que je dis là, ils sont toutes très très discutables et absolument pas fondées, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont essayé de voir comment l'introduction de la question de la complexité, de l'incertitude faisait bouger les sciences étaient des me semble-t-il, des gens qui essayaient de penser de façon, enfin, non, enfin, de penser l'évolution des sciences des sciences de manière globale. Et pas seulement les SHS, à des gens comme Henri Atlan ou Edgar Morin, enfin bon voilà. Donc je crois que la question dépasse les SHS. Et puis sur autre hypothèse intéressante, mais sans doute discutable, qui m'a déconcertée, hein, en vous écoutant, c'est l'idée que le texte, en fait, comme outil de restitution principal des SHS, incitait davantage que d'autres outils à penser de façon linéaire et causaliste. Moi, j'aurais tendance à dire que peut-être c'est l'inverse. Mais en m'inspirant de d'autres usages non scientifiques du texte, c'est-à-dire que dans la littérature, on trouve quand même des façons de penser le temps qui sont sans cesse renouvelées, et peut-être d'ailleurs tout à fait stimulant pour les gens de SHS. Voilà, on lit des écrivains, et c'est peut-être aussi On doit peut-être puiser chez eux aussi des façons de renouveler nos approches. Enfin, bon. Voilà, et puis je trouve aussi que votre hypothèse là, de voir comment, enfin, l'hypothèse qui est au cœur de votre propos, hein, comment les scientifiques pourraient s'inspirer de la prospective, ça c'est aussi, je trouve, vraiment intéressant. Mais ça incite à s'interroger, me semble-t-il, sur la manière dont science tout court ou savoir tout court communique ou pas avec les savoirs et les sciences pour l'action, hein, donc au rapport entre l'action et le savoir. Je trouve que ça pose tout un tas de questions. Il faudrait qu'on en discute, mais on n'a pas le temps. Donc, voilà. Mais merci pour, en tout cas pour cette proposition, enfin pour ces propositions, et en particulier celle-ci, qui me semble stimulante. Voilà. Merci. Je pense que c'est quand même le sens de ce qu'on souhaitait dire, c'est-à-dire de dire que les sciences humaines et sociales, si finalement elles sont peut-être plus sensibles que les sciences exactes précisément à la mouvance du réel, c'est sûr qu'elles n'ont pas pu l'évacuer. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui elles nourrissent certainement plus que les sciences exactes la prospective, clairement. D'ailleurs, si on voit l'évolution des théories de la complexité, arriver à ce qu'un auteur nomme la troisième génération des théories de la complexité, avec notamment Morin, une recherche d'écologie, de la connaissance, d'une approche encyclopédique, d'un sens actif des disciplines, c'est-à-dire sortir des silos disciplinaires, tout ça, en fait, montre bien qu'il y a une évolution qui... Enfin, on s'échappe un peu d'une approche scientifique au sens science dure. Moi, j'ai l'impression que le problème, si on est rentré par le volet, on en avait un petit peu discuté, vous vous demandez comment introduire le propos, le volet science expérimentale, ça reprend un peu la problématique de, je ne sais pas, j'ai pensé à ça, du Laocoon, c'est ou du pictora poésie, c'est-à-dire à une époque, on disait comme la poésie, la peinture. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire. On est quand même resté beaucoup dans cette idée que les sciences humaines devaient trouver aussi le moyen de coller au réel comme les sciences dures. Enfin, il y a cette idée de parallélisme recherché et qui finalement, à la fin, s'inverse. C'est-à-dire finalement, on sent que c'est les sciences humaines qui, enfin, sans vouloir dire qu'il y a une définition des sciences humaines et sociales, je ne voudrais pas aller jusque-là, mais pour dire en tout cas qu'elles offrent un champ exploratoire énorme et qu'aujourd'hui on fait appel de plus en plus aux anthropologues, aux philosophes pour apporter des éclairages sur la science et qu'on s'avance véritablement comme le vœu des prospectivistes, des premiers prospectivistes, vers une entrée peut-être en transdisciplinarité, sans parler de concept nomade, mais en tout cas de... On tourne autour de la même objet, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est pas toujours évident, mais avec des éclairages différents dans le cadre du PAP, du collectif Prospective Action Publique, où on tourne autour de ce qu'on considère comme un objet, non objet, la prospective, parce qu'on ne veut pas non plus chercher à réifier un ensemble de pratiques, on essaye de faire attention à ça, mais c'est, je pense que... Non, et puis... Une des dimensions, je pense que je suis d'accord avec Chloé, je pense qu'on tient le même raisonnement. Est-ce que vous dites, quand vous dites les SHS ont quelque chose à apprendre aux sciences expérimentales, justement parce qu'elles sont confrontées à cette complexité du réel, finalement on tient le même raisonnement avec la prospective, en disant la prospective peut apporter quelque chose aux SHS, justement parce que la complexité à laquelle elle est confrontée est encore plus évidente et que son risque de se tromper est encore plus évident que dans les sciences humaines et sociales. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir comment aussi les techniques qui sont développées en prospective pour adresser les mêmes problématiques que celles auxquelles on est confronté aujourd'hui peuvent, comme chercheurs en sciences humaines et sociales, nous aussi nous être utiles pour décaler, transformer un peu notre regard au présent. Et cette idée de détour par le futur pour jeter un regard différent sur le présent, développer à partir d'un certain nombre de techniques qui, parce que justement il y a une procédure un peu robuste derrière, permettent de laisser une place peut-être plus large à l'intuition, à l'imagination que celle qu'on peut avoir dans les sciences sociales. C'était un peu ça le message qu'on voulait faire, qu'on voulait faire passer, quoi, de dire derrière ça, pour comprendre, enfin pour mieux appréhender la question des temporalités et surtout la question des dynamiques, pour mieux comprendre les dynamiques, il ne s'agit pas juste de définir des échelles du temps ou de regarder plus loin ou regarder plus dans l'histoire, mais ça passe aussi par un changement de la vision qu'on a du présent, et passer d'une vision peut-être un peu figée à une vision plus dynamique du présent. La salle a des réactions. Moi, je dirais que, alors, raisonner en termes de surenchère, j'ai bien aimé la surenchère, si vous pouviez. Oui. Mais en fait, c'est pas faux, parce qu'on le voit clairement, si je l'applique aux agendas politiques, on voit cette surenchère. Mais ça pose aussi la question, alors, que le décideur aujourd'hui, si on parle de postmodernité et de retour de cette incertitude, est en train d'évoluer dans son rôle. Il doit passer d'un rôle régulateur-animateur vers une prise de décision effective avec toute une série de scénarios qui se proposent à lui, et il est obligé de faire un choix, non pas éclairé, mais un choix dans la vision de la société qu'il souhaite mettre en œuvre, avec un scénario un peu à la Dupuis, un peu à la Dupuis, où il s'est produit aujourd'hui dans le présent pour l'anticiper dans le futur, un peu dans cette optique-là, avec des décideurs qui doivent être alors guidé. On voit ça en Wallonie, il y a un institut de la prospective qui est créé depuis 10 ans et qui vient constamment redire aux décideurs « Ah, ben là-dessus, c'est envisageable » ou « Tel scénario est peu envisageable » ou « Alors on va droit dans le mur », etc. Ouais. Pardon ? Non. Non, c'est E-Webs. Et constamment, ici on a un plan économique Wallonie 2020, 2020-2022, en fait il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas eu de mise en surenchère de scénario justement dans ce cas-là. Il y a juste un scénario choisi, il n'a pas été débattu, il n'a pas été discuté, et l'E-Webs et les spécialistes de la prospective sont en train de dire mais c'est impensable. Et donc là, le décideur, par rapport au scénario et à la surenchère, devrait prendre en compte toute une série de scénarios, de mise en récit et autres, et de cet aspect-là. Et ça veut dire qu'on revoit aussi, on re-questionne aussi son rôle et sa manière de décider et d'agir. De la même manière, peut-être que la prospective au départ était liée quand même vraiment à l'idée de la modernisation de l'appareil d'État. Oui. Aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose qui est très fort, surtout avec le développement des méthodes participatives, dont on ne sait pas trop pourquoi, jusqu'où, dans quelle mesure elles sont participatives. Mais en tout cas, ça interroge peut-être plus encore que les savoirs produits, c'est-à-dire peut-être la focale est peut-être à mettre sur la modalité de production de ces savoirs-là. Donc, effectivement, après. Mais ça ouvre beaucoup de. Un champ de questions énorme, je trouve. Enfin, la prospective, l'objet d'études assez riche, qui mérite qu'on l'aborde par différents angles. Je ne sais pas s'il y avait une question. Non, c'était vraiment c'était une remarque qui faisait écho en fait, par rapport à ce que vous développiez. Et sur cet aspect, peut-être développer l'exemple que vous aviez sur la surenchère. Sur la surenchère, par exemple, en ce moment, je travaille sur Montagne 2040, qui est une démarche de prospective régionale participative qui a été initiée en janvier à la région Rhône-Alpes. Et qui fait suite, quelques mois après, à la démarche tout à fait similaire qui a été initiée en région Auvergne, sur les montagnes, qui s'appelle, je crois, Montagne 2030. Comme ça. Vous voudriez dire que le Massif central a 10 ans de retard sur. Le problème, c'est que le retard est inversement. Parce qu'on passe à 40, mais en réalité, c'est nous qui sommes en retard. Ah oui, enfin, c'est ça qui est subtil. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes acteurs On peut se poser des questions. Nicolas travaille un peu aussi sur l'influence des cabinets d'études dont il fait lui-même partie. Toujours un peu schizophrénique d'être en chiffres, en fait. C'est intéressant en tout cas de voir quelles sont les figures permanentes dans le discours prospectiviste, dans les différents scénarios qui ressortent à l'issue de ces démarches. Et effectivement, on retrouve des éléments quand même assez communs. Après, effectivement, ça se joue beaucoup aux politiques. On rentre dans une grande discussion sur effectivement le choix qui est réalisé à la fin et quel est l'objectif, quelle est la visée du livrable. Est-ce qu'il s'agit d'un document stratégique? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une recherche exploratoire qui doit permettre après de relire toutes les politiques régionales? Est-ce qu'il y a plein de possibilités possibles? J'ai une petite remarque, un peu de rat-de-poil. J'étais très intéressé, quand vous avez dit, en gros, penser les temporalités, les dynamiques, c'est penser les incertitudes. Mais puis, il y a un moment, un truc qui m'a un petit peu fait bondir. Vous avez parlé de savoir objectif, et puis ensuite, vous l'avez remis en cause, puisque vous avez parlé, effectivement, du fait que les savoirs sont déconstruits. J'ai dit objectif ? Non, pas vrai. Votre collègue. Et du coup, je me demandais très bêtement... La prospective est un moyen intéressant d'appréhender l'incertitude, tout un tas d'incertitudes, mais qu'est-ce qu'elle fait de l'incertitude des savoirs, en fait? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, en fait, mais... Qu'est-ce qu'elle fait de l'incertitude des savoirs? J'avais pensé un petit peu, à formuler la question différemment, mais c'était un petit peu mon intention, je comptais, mais... Vous l'avez très bien fait aussi, poser une question un petit peu provoque, mais ce n'était pas juste histoire de rester provoque. Effectivement, j'ai bondi aussi au terme objectif. Et je voulais vous demander quel rapport entretient la prospective avec sa propre subjectivité, est-ce qu'elle l'envisage? Je ne sais pas, c'est un petit peu... Oui, c'est un peu la même idée. La première dimension je nuance un peu le terme objectif qui était un peu maladroit, mais qui était pour mettre en regard... pour mettre en avant la place de l'imagination aussi dans la prospective par rapport au savoir académique dans lequel sa place est assez réduite. Mais pour répondre à votre question sur comment vos questions collectives sur comment elle gère l'incertitude des différents savoirs, c'est en partie aussi par la confrontation des différents savoirs. C'est ça aussi qui permet en mélangeant à la fois des savoirs experts et des savoirs profanes, en tout cas différents types d'expertise, différents types de disciplines aussi universitaires, qui permet aux savoirs de s'interroger entre eux et d'expliciter cette interrogation dans différents scénarios, avec certains scénarios qui peuvent être alimentés par certains savoirs plus que d'autres. Et inversement, un autre scénario qui donc c'est aussi remettre un peu différents savoirs à égalité pour organiser une interpellation entre ces différents savoirs. Je ne sais pas si ça répond. Gros parti. Mais je pense que la question est trop. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas oublier que c'est Gaston Berger qui disait la prospective, ça doit être une démarche modeste. Déjà, il y a vraiment cette idée de. Alors, ça peut paraître étonnant parce que c'est présomptueux. On n'est pas dans le prédictif déjà. Ça ne peut pas oublier. On a le droit de se tromper, il ne s'agit pas de formuler des visions du futur et de voir après, 30 ans après, si ça s'est réalisé ou pas. On n'est pas du tout dans cette approche-là, déjà. Donc ça abaisse un petit peu les prétentions. Après, effectivement, je pense que dans le dialogue entre les différentes disciplines, les disciplines se posent aussi la question de leurs propres limites, c'est-à-dire elles se confrontent, donc dans ce sens-là, elles reformulent des questions, donc ça fait travailler chaque discipline sur leurs propres incertitudes. Il y a ce travail-là qui est vraiment intéressant, je trouve. Et par ailleurs, après, pratiquement parlant, dans les méthodes utilisées, celle qu'a évoquée Nicolas, qui a été utilisée pour Pays de la Loire, mais aussi pour Territoire 2040, celle des énoncés intuitifs, en fait, on travaille à dire d'experts, Mais dire d'expert, ça ne veut pas dire sur l'expertise, ce qui est quand même quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la subjectivité. Et c'est complètement assumé, le principe étant de passer progressivement d'un énoncé individuel à un énoncé collectif. Et c'est ça qui fait aussi la qualité, au sens non pas axiologique, mais la qualité de l'énoncé, c'est-à-dire d'arriver à passer à la fin, on ne retrouve pas ces petits, quoi. C'est-à-dire que, étant donné que les énoncés sont successivement agglutinés, remaniés, à la fin, l'énoncé individuel a complètement disparu et on a une proposition collective. Et la prospective, elle se fonde sur donc, voir loin, voir large, voir profond, et il disait aussi voir ensemble, ça a vraiment ce sens-là. Alors ça peut-être que ça répond un petit peu, je ne sais pas. Du coup, c'est probablement hors cadre par rapport à ce qu'on a discuté ce matin, mais par rapport à Territoire 2040, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, sur l'affichage, qu'en effet, que ce soit une démarche modeste. C'est l'État. En tout cas, elle n'est pas... Et justement, sur le rapport au fait que ce soit l'État, enfin, la data, je me demandais à quel moment, parce que vous avez parlé de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité, moi, je nage un peu là-dedans, mais à quel moment la notion de pouvoir intervient, c'est-à-dire à quel moment, par exemple, sur une démarche de prospective, la data, vous l'avez dit, hein, c'est subjectif, ça peut être idéologique, c'est idéologique de toute façon. La data va dire, on va faire de la prospective dans le sens où moi, mon rôle, on me l'a entre guillemets un petit peu sucré avec la décentralisation, etc. Je le renforce, etc. Je le modifie dans un axe qui m'arrange. Alors, je vais parler peut-être un peu plus librement. J'ai pas eu le temps de développer, mais. La data avec Territoire 2040, elle renaît. C'est-à-dire qu'il y a eu un passage d'acte, c'était donc, pour, je ne vais pas refaire l'historique, mais il y a eu la data qui est née donc, dans l'après-guerre, qui était la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, et qui a connu son heure de gloire dans les années 60, et puis après la DIACT, qui arrive en 2003, qui devient la délégation interministérielle à l'attractivité et la compétitivité des territoires. Flop total au niveau prospectif, il ne se passe rien. Enfin, clairement, il y a territoire 2030, mais ce n'est pas vraiment. Et c'est pas un succès attendu. La data qui renaît avec l'exercice territoire 2040, ça coïncide. C'est le même acronyme, mais c'est subtilement pas la même chose, puisque c'est la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité. Régionale. On a quand même gardé attractivité parce que la décentralisation est passée par là. Bien sûr qu'il y a un enjeu énorme qui est... Alors peut-être on n'est plus dans l'État stratège, hein, c'est pas... l'État n'a plus le monopole de la réflexion sur le futur. Ça je pense que c'est intégré. Néanmoins la data cherche à se positionner et peut-être encore à avoir une interaction qu'elle a un peu perdue avec les territoires, notamment aussi en raison d'un contexte politique particulier. Et honnêtement, la data a voulu descendre sur les territoires, c'est l'expression utilisée, que je trouve assez intéressante. Ensuite, pour confronter les premiers éléments de stratégie aux réflexions des acteurs locaux, pour leur demander s'ils s'y retrouvaient, en fait, ça n'a pas trop bien fonctionné. Ça a été difficile, délicat, ça a été pris comme une démarche un peu de prédation, qui n'a pas été toujours très bien reçue. Donc ça, effectivement, clairement, il y a un positionnement, il y a la prospective même dans les territoires. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que les territoires cherchent à asseoir un peu leur légitimité, à s'affirmer comme des entités politiques propres, en fait. La prospective est un instrument aussi de cette légitimation, clairement. Laurent Mermet fait une distinction que je trouve intéressante. Il parle de prospective d'unité et de prospective de lisibilité. Enfin, c'est deux fonctions qui ne sont pas complètement... à séparer, mais qui, donc parfois, l'une prend le dessus sur l'autre. Et la prospective d'unité, c'est vraiment l'idée d'asseoir le pouvoir au sens de l'autorité de l'institution. Et la prospective de lisibilité, elle correspondrait plus à l'idéal d'une prospective telle qu'elle a pu être esquissée déjà dans l'après-guerre, d'aider la cité, pour dire comme Pierre-Rosan Vallon, aider la cité à se représenter, lui donner des instruments pour comprendre... les interdépendances qui s'y jouent, etc. Donc le pouvoir, je pense qu'il y a toujours forcément, c'est pas neutre, c'est tout le contraire. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que, mais ça se fait dans une certaine mesure, c'est un instrument de réflexivité. Après, c'est pas forcément un instrument de réflexivité qui s'est... Nous, on est là pour ça. Mais des gens qui travaillent sur la prospective tentent en fait de mettre au jour justement les motivations qui ne sont pas toujours explicites de la prospective. Donc même avant le niveau stratégique, il y a bien sûr des enjeux déjà. Mais là, pour le coup, les chercheurs qui ont travaillé, il y avait 200 experts réunis, de disciplines très différentes. Alors bien sûr, ça fait quand même un peu en chambre, même si après il y a un dialogue qui s'opère avec différents acteurs locaux, même au niveau gouvernemental. Il y a quand même eu vraiment la volonté de séparer prospective et stratégie. C'est-à-dire d'être vraiment dans une approche exploratoire. Et les chercheurs ont même demandé à la data de s'engager à respecter cette division pour pas que leurs travaux universitaires soient récupérés par le gouvernement après. Moi j'ai vu le bac. Mais après, bien sûr que ça sert. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, je disais juste que analytiquement, je pense que c'est aussi intéressant de séparer l'instrument. Qui est porteur de sens en lui-même et les usages de cet instrument. Il a beau être porteur de sens, il n'induit pas forcément, il n'a pas des conséquences là encore déterminées. Et du coup, l'usage qui est fait de l'instrument scénario prospectif à la data n'est pas du tout le même que l'usage qui va en être fait en Pays de la Loire en 2040. Et pas du tout le même non plus que pourraient en faire des chercheurs dans un but de production académique. Donc, c'était ça, je pense, aussi un des objectifs de l'intervention. Même si on est d'accord que c'est toujours contestable et que c'est toujours très difficile de séparer un instrument de ses usages, les deux s'influençant réciproquement. Mais ce qu'on voulait dans cette proposition, c'était aussi voir comment on peut faire d'autres usages de ce même instrument avec notre logique et nos impératifs de chercheur, qui est évidemment très éloigné des impératifs et des logiques de repositionnement de la data. La géographie a servi à faire la guerre, aujourd'hui c'est peut-être pas le bon sens. Bon, c'est un peu fort, mais la prospective, en tout cas, la prospective, en tout cas, c'est sûr qu'elle est le produit des transformations de son contexte et de toutes les idéologies qu'on a pu traverser. Enfin, on pourrait revenir sur le courant néolibéral aussi, sur les préoccupations de la science aussi, de parce que... Oui, mais c'est voilà, ça. C'est... C'est ça le dialogue. Bon, merci à tous.